que ta terra mosse non rien par moi ne regrette, no, rien par moi, no, rien par moi ne regrette. Thank you.